j'allais dire bonsoir, mais non, il est 9h01 du matin. On est à 38e heure de Fadjet, c'est le plus gros marathon du monde. Voilà, on prend le relais, voilà, on est là jusqu'à 10h, on va foutre le bordel. Et comme c'est les 40 ans de Fadjet, pour la première fois de ma vie, j'ai écrit une introduction à cette émission. Incroyable. 40 ans, ça représente quoi? 40 ans, c'est l'âge où ma sœur considérera que je suis un senior. Et elle aura raison, car à cet âge, je dirai « Ah, la terre est basse !» quand je me relève. À 40 ans, on commence aussi à avoir des douleurs là où on ne savait même pas qu'on avait des muscles. Ah oui. 40 ans, ça représente aussi des défaites. C'est le nombre d'années du Rassemblement National sans gagner la présidentielle. Le nombre d'années où Tottenham ne remportera aucun trophée footballistique. 40 ans, c'est aussi l'âge où tu commences à préférer un dimanche après-midi avec un bon livre et une tasse de thé plutôt qu'une soirée à faire la fête. Ah, ça a 25 ans déjà. C'est ça. Ouais, clairement. 40, c'est aussi le chiffre qu'il faut ajouter à 54,2 pour arriver à 94,2 de Fadjet, même si ce calcul n'a aucune logique, voilà. Mais 40, c'est surtout l'âge de Fadjet, cette belle radio associative qu'est Fadjet. Bon anniversaire, Fadjet! Voilà, 40 ans, c'est énorme, 40 ans, j'arrive pas à croire. 40 ans, 40 heures de direct, 40 000 euros donnés à chaque bénévole. Vraiment, cette association est magnifique. Et on va enchaîner directement avec la chronique de Mélie. La voisinade sur Fadjet, les histoires de Mélie. Les histoires de Mélie aujourd'hui. Alors, je fais un petit aparté quand même, on est en direct sur Facebook. Du coup, j'ai un écran où je vois ma tête sur le côté. Il y a actuellement 4500 personnes qui regardent, voilà. Je vous le dis, dont tous les gens les plus influents de Nancy. Donc si vous voulez choper des contrats, des trucs, c'est maintenant qu'il faut vous montrer sur votre plus beau jour. Allez Mélie, on t'écoute. Alors moi, j'ai fait une chronique 40. C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé il y a 40 ans? Qu'est-ce qui s'est passé il y a 40 mois? Qu'est-ce qui s'est passé il y a 40 jours? Qu'est-ce qui s'est passé il y a 40 secondes, donc je ne l'ai pas écrit. Qu'est-ce qui va se passer dans 40 ans? Qu'est-ce qui s'est passé dans 40 minutes? Enfin, il y a 40 minutes, qu'est-ce qui s'est passé il y a 40 ans? Enfin, que des trucs avec des 40. Super. J'adore. Voilà. Du coup, il y a 40 ans, le 11 mars, c'est l'arrivée de Gorbatchev en URSS au pouvoir. Celui qui a fait chuter l'URSS. Exactement. Le 1er septembre, on a retrouvé l'épave du Titanic. Ah oui! Voilà. Ah oui! Ah oui, oui, oui! Allez, 9h, je vous le dis là, ça va être n'importe quoi. Ça va être la fête. Le 22 mars, la convention de Vienne sur la protection de la couche d'ozone est signée. Le 20 janvier, c'est la réinvestiture de Ronald Reagan, président des États-Unis. Le 25 mars, c'est l'accord de Bruxelles qui prépare l'entrée de l'Espagne dans la CEE. Et ce pays entre dans la CEE le 12 juin. Voilà pour les événements. Ok, j'ai une question. Oui. Tu m'expliques à quel moment on fait une convention pour protéger la couche d'ozone? Genre, elle a signé la couche d'ozone, la convention? Oui, je m'engage à être protégée. Je m'engage à être protégée. Voilà. Quand t'achètes une voiture, il faut signer la convention de Vienne. Oui, non, vous n'avez pas le droit de trop rouler avec votre voiture. Ensuite, il y a 40 mois, donc j'ai fait un petit calcul. Je vais pas mentir, Charles m'a aidé. Nous étions au mois d'octobre 2022. Et qu'est-ce qui s'est passé au mois d'octobre 2022? Eh bien, il y a eu une série de bombardements russes qui a touché les grandes villes d'Ukraine, dont Kiev. Et il y a eu une éclipse solaire partielle le 25 octobre sur une partie de l'Eurasie. Mais okay. C'est fou, il s'en est passé des choses tous les 40, là. Incroyable. Il fait petit éphémérite de 40, là, c'est sympa. J'aime bien. Il y a 40 jours, c'est-à-dire... Alors là, on était sur un gros calcul, ouh, quand même. Le lundi 30 décembre, et bah nous fêtions les Robert, Timéo, Timon, en l'honneur de Saint Roger. Ok. Ah non, on fêtait les Roger. Oui, bah j'arrive pas trop à lire à ce temps-ci. C'est normal. Roger, hein, Robert. C'était une nouvelle lune et la citation du jour que j'adore respecter disait « J'adore répondre, je réponds même quand on ne me demande rien ». Ah oui, super. Malheureusement, il y a plein de gens qui font ça. On leur demande rien, mais ils donnent quand même leur avis. C'est ça. Alors, petit point météo du lundi 30 décembre. Le jour se montre à nouveau bien ensoleillé en début de matinée, malgré quelques ondées peu durables sur le littoral de l'Est. Et le soleil s'est levé à 5h38. Donc là, on a vraiment un point météo d'il y a 40 jours. Ouais. Voilà. Même d'accord, imagine, t'es tombé dans le coma il y a 40 jours, tu te réveilles, bah, tu te dis, ah, bah, en fait, il y a la même météo que quand j'étais dans le coma. Le temps n'a pas changé. Bah oui. Et là, le dicton du jour à Tristan. Voilà, tu me manques. J'aimais bien faire ça avec toi, Tristan. À la Saint-Roger, froidure et passagère. Et là, il te disait un truc du genre, alors, selon toi, qu'est-ce que c'est? C'est exactement ça. Qu'est-ce que tu en conclus? Et je me suis amusée à faire l'horoscope du jour, et comme ça, on va pouvoir vérifier. Ah si oui. C'était de la merde ou pas. Sagittaire, allez, ça te concerne. Un voyage imprévu se profile à l'horizon. Préparez vos valises. Est-ce que tu as voyagé en janvier depuis 40 jours Malheureusement, non. Ouais. Voilà. J'ai voyagé. Est-ce qu'un déménagement, ça compte comme un voyage? Un petit peu quand même. J'ai que ça en stock. Hein, c'est le voyage de l'âme. Tu peux mettre tes affaires dans des valises. Oui. Donc ça marche. C'est plutôt dans des cartons, mais oui. Voilà, mais c'est bon, ça passe. Camille, oui, des retrouvailles familiales vous apporteront joie et réconfort. Et on a ton père dans le studio, celui que tu n'avais jamais vu. Le voilà, ta-ta-da. Des retrouvailles. Est-ce que tu as eu des retrouvailles au mois de décembre, janvier? Eh ben non. Et mon horoscope à moi, votre esprit innovant trouvera des solutions à des problèmes complexes. Alors je confirme que non. Ça n'a pas d'accord, marché. D'accord, donc conclusion, l'horoscope, bah l'écoutez voilà, pas trop voilà, quoi. On a la preuve. Nous avons ah bah là preuve. Oui, c'est Pipo et compagnie. Alors j'ai trouvé des inventions qui ont aujourd'hui 40 ans, le CD-ROM. Ok. On n'utilise plus trop. Bah bonne fête, le bon anniversaire, le CD-ROM. Voilà, à tous les CD et à tous les ROM, hein, bah, évidemment. L'invention du microscope à force atomique, ne me demandez pas ce que c'est. Camille, la spécialiste, peut-être Oui, c'est un microscope qui utilise une force spécifique qui n'existe nulle part ailleurs que dans des boîtes de camembert. Ah, cool, j'aime bien. Ouais. Le Canon Y80. Ah oui, c'est encore un truc pour moi, faut que j'explique, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est quoi l'histoire? La Sega Card, qui est une carte mémoire qu'on utilise pour les jeux vidéo. Oui, logique. Voilà. Ouais, okay. Donc on souhaite un bon anniversaire à la Sega Card. C'est des choses qui n'existent plus du coup. La Sega n'existe plus d'ailleurs, il n'y a plus de console Sega. Des choses effectivement qui n'existent plus. Je trouve ça fou de faire une chronique sur les 40 ans, je me rends compte que pour moi 40 c'est pas beaucoup, mais tu te rends compte qu'il y a 40 ans le monde était complètement différent. Oui. Et je trouve que c'est fou parce que là tout ce dont on parle, ça a été créé il y a 40 ans et ça n'existe plus. C'est incroyable. C'est fou. Il y a 40 minutes, et ben, c'est pas passé grand chose. Moi, j'étais en voiture, en retard, en train de boire monter sur la voiture. Enfin, sur la voiture. En train de monter sur la voiture. Dis donc, t'as une belle matinée, Amélie. C'est pour ça que j'arrivais pas à avancer aussi, tu sais. Voilà, il ne s'est pas passé grand chose. Il y a 40 secondes, et ben, je pense que j'étais en train de dire la phrase que j'ai dit juste avant. Oui, bah oui, du coup. Et on souhaite un anniversaire, pas vraiment, mais à toutes les personnes qui ont 40 ans aujourd'hui. J'ai trouvé Alizé, Amir, Pierre-Emmanuel Barré, Black M. Ah, c'est déjà pas mal, ça fait beaucoup de monde. Toutes ces personnes-là ont 40 ans aujourd'hui. Non, dans l'année. Ah oui, j'ai dit, d'accord. Ça me paraissait beaucoup, là. Je me suis dit, ouais, bien cherché, quand même. Ok. Et alors, du coup, bah là, j'ai fait le tour des 40, donc je me suis dit, bah dans 40 minutes, combien il y a de secondes? Alors là, on était dans des gros calculs, là. 2400 secondes dans 40 ans. Et en 2400, à votre bah, qu'est-ce qui s'est passé? Le roi légendaire Minoé ancien de régner sur la Crète. On refait un retour en arrière. Allez hop, le petit flamme. Voilà. Il y a eu également le règne de Lucal Kinich du. Tiens, c'est très rigolo dans ma chronique, j'ai marqué Dudu. Dudu, roi Dudu. Dudu, ça va, Dudu. Et dur. Est-ce que tu pourrais nous faire des chroniques spécifiquement sur ces gens-là? Parce que personnellement, je ne les connais pas. Je ferai. Et après. Enfin, question aussi que je me suis posée, il y a combien de jours dans 40 ans? Du coup, j'ai posé 365 x 40, je pose 4, je divise 6, je multiplie par 300, j'obtiens 14 600 jours. Ouais, c'est beaucoup de jours quand même. J'ai l'impression qu'elle a pris 30 000 vitamines C ce matin. C'est clair. Elle est arrivée, elle a dit, allez, hop, allez, je me fais le paquet. Vraiment, elle est surexcitée. J'aime bien. Et il y a moins 14 000 ans, bah, il s'est pas passé grand-chose. Hein. L'agriculture n'existait pas, on était des chasseurs-cueilleurs. Sapiens était déjà en Europe et on avait déjà peint... la grotte de Chauvet, mais voilà, je pense qu'il y a 14 000 ans, il y avait des gens qui faisaient des choses, voilà, quoi. Qui faisaient des choses, ils mouraient de maladie à 12 ans, voilà, je veux dire, c'était la vie, quoi. Et évidemment, hyper important, il y a 40 ans, Fadjet était fondé, et j'ai trouvé qu'à l'origine, c'était le père Guy Lescane, oui. J'espère que je l'ai bien prononcé, un prêtre catholique qui est un ancien sociologue et journaliste qui a fondé Fadjet en 1984. Il a lancé une radio pour les jeunes et au départ il émet sans autorisation. Donc en fait, on est dans une radio pirate. Nous sommes nés d'une inégalité, d'accord. Exactement. Super. N'oubliez pas que sur notre réseau Telegram, on peut vous fournir des numéros de cartes bancaires qu'on a volés sur internet. Et c'était un émetteur qui était prêté par la CGT. Voilà, moi okay. Du coup, j'aime bien être ici. Voilà, t'as l'impression de revendiquer un peu des choses. Et Fadjet, quelques chiffres, c'est 25 000 auditeurs par semaine, 100 bénévoles, une soixantaine de programmes. Bref, Bah, joyeux anniversaire, Fadjet. Wow, oh, c'est bravo. Beau. Attendez, je vais voir. Parce que là, il est 9h du matin. Ça me demande beaucoup, mais je peux lancer des sons. Regardez. Waouh, que c'est beau. Bravo. Eh ben, en tout cas, merci beaucoup, Mélie. On va faire notre première pause musicale. Alors, aujourd'hui, évidemment, on fête les 40 ans de Fadjet. Donc, on va écouter que des titres qui datent de 1985. Donc, on va se mettre dans les goûts musicaux de Mélie, qui a des goûts de quelqu'un qui a au moins 40 ans. Tout de suite, on va écouter Jermaine Jackson et Piazzadora, When the Rain Begins to Fall. Et bienvenue en 1985, Jermaine Jackson et Piazzadora, When the Rain Begins to Fall. 18h, 19h, la voisinade sur Fadjet. Camille vous fait voyager. On s'excuse, Eratum, hein, là il est 9h15, on est bien en direct, il n'y a pas de 18h, 19h, j'avais oublié qu'on disait ça dans les jingles. On est en direct sur Facebook, vous pouvez nous suivre, là on a Pascal qui dit coucou la voisinade et Fred qui dit hello les jeunes. Oh, c'est la Fred. Première fois qu'on dit que je suis jeune depuis au moins 5 ans, voilà, parce que ça fait presque 5 ans que j'ai passé la barre des 30. Non, c'est j'ai pas donné son nom de famille parce que peut-être que cette personne Fred. Est en voilà est recherchée par J'aime Interpol. Bien son prénom Fred. Voilà. Bah voilà, bah Fred, Mélie adore ton prénom, voilà. Donc elle va appeler son enfant Fred, quel que soit le sexe de l'enfant. Allez, Camille, on va voyager avec toi. Oui, on reste en 1985. Ouais, j'adore. Comment on faisait pour voyager il y a 40 ans, à votre avis? C'est ce que je disais tout à l'heure. Chameaux. C'est complètement différent d'aujourd'hui. Bah, c'est plus le même monde. Soit en train, soit en voiture, en fait. Bah, même en avion, hein. Ouais, l'aviation n'a pas commencé en 85. Non, mais c'était moins démocratisé, oui. L'avion. Ouais, bah, ça coûtait plus cher, ça coûtait plus compliqué, cher, etc. Mais on pouvait quand même prendre un billet d'avion. C'est juste que t'allais pas sur Google Flight et tu réservais pas ton billet d'avion. Oh, il fallait se déplacer, appeler la compagnie aérienne ou se rendre dans une agence ou à l'aéroport. Ils t'imprimaient des billets d'avion sur des feuilles. Enfin, vraiment, t'avais les vrais billets d'avion en papier. Il fallait que tu choisisses ta destination sur le guide du routard ou le guide Michelin. Alors ça, moi, je le fais toujours. Ah d'accord. Mais tu choisis pas ta destination. J'ai l'impression que tu regardes un peu sur Google et après t'achètes. Moi aussi, je l'achète. Tu vois, donc en fait, ça va pas trop changer. Sur place, c'est pratique. Quand tu veux regarder vite fait un truc, tu te quittes de chercher. Oui, il y a des choses pas mal. Je suis d'accord. Mais par contre, pour réserver ton billet d'avion, c'est c'était pas fou. Mais surtout, quand tu prenais l'avion, qu'est-ce que les gens faisaient dans l'avion? Ils fumaient. Les petits saligots, les chenapans, les fanfreluches. Horrible, je vais tellement sentir mauvais. Ils attendaient avec impatience l'extinction du signal interdiction de fumer. Et c'est vraiment, hop, ça y est, t'es à la vitesse de croisière, t'es assez haut, poum, vous pouvez fumer. Oh, quelle horreur. Et là, tout le monde sortait sa cigarette. T'avais même les hôtesses de l'air qui allumaient les cigarettes des gens. Enfin, vraiment. C'est vrai. Donc il y avait des zones découpées fumeurs non fumeurs, mais en fait dans les petits avions tout le monde fumait. C'était un peu comme au resto quand il y avait non fumeurs fumeurs, au final c'était pas loin de la zone non fumeur. Bah oui c'est ça. Et puis tu devais sentir mauvais, je persiste, mais t'imagines un vol de 8 heures avec des gens qui fument. Ah bah une horreur. Tes cheveux, quelle horreur. Donc bonne idée d'avoir interdit la cigarette. Ça c'est l'une des choses qui est mieux dans le bon sens. Bon, globalement, tout est beaucoup plus pratique pour voyager maintenant, hein, mais parce que, par exemple, il n'y avait pas de téléphone avec de Wi-Fi, etc. Donc, pour donner des nouvelles à vos proches, au lieu de dire « ça y est, je suis bien arrivé », il fallait envoyer une carte postale. Oh là là, qui n'arrivait jamais, en plus. Ou alors, ça arrivait après que toi, tu sois rentré. Oui. Donc, oui, ça ne va à rien. Et il fallait chercher des cabines téléphoniques si vous vouliez appeler quelqu'un. Moi, j'ai connu les cabines téléphoniques, hein. Oui, mais moi aussi. Mais sur la fin, quoi. Moi, j'ai déjà eu des cartes, les cartes orange là. Oui. Ah ouais, quand j'étais petite et que je partais en colo, j'avais ça. J'avais mais t'es la plus jeune de nous trois, mais c'est toi qui connais ça. Non, mais j'ai pas eu les cartes, je crois. Je les ai vues, mais je crois pas que j'en ai eu. Très peu utilisé des cabines téléphoniques, hein. Je m'en rappelle. T'étais peut-être pas partie toute seule en vacances, tu vois, quand t'étais enfant. Moi, j'étais enfant et ma mère, elle m'a dit non, pas de téléphone. Tiens, une carte téléphonique, ça marche très bien. Ouais. Maman. Bonjour à la maman de Mélie. Alors, il y a une chose qui était plus facile. À l'époque, c'était les bagages, parce qu'il n'y avait pas de surplus bagages, etc. Oui. Donc ça, c'était plus pratique. Maintenant, ils en ont fait un business. Maintenant, laisse tomber, t'as un manteau qui est trop lourd, tu payes un supplément. C'est ça. Mais l'inconvénient, c'est qu'il n'y avait pas trop de valises à roulettes comme on a maintenant, hyper facile. C'était beaucoup plus lourd et beaucoup moins ergonomique qu'aujourd'hui. Donc, tu le payais pas, mais tu galérais beaucoup plus. Tu devais le porter, quoi. Et j'imagine que les conditions de sécurité en 85, c'était pas les mêmes qu'aujourd'hui. Quoi. Ah bah j'imagine, hein. Ouais, c'est sûr. Franchement. Tu pouvais conduire à la place du pilote en 85. Y a pas de petite sieste. Quelqu'un me remplace, allez hop. Bienvenue sur Siesta Airlines. Et il y avait plus que ça à faire d'ailleurs, parce qu'en parlant de distraction pendant le voyage, tu pouvais pas écouter de podcast sur Spotify ni de playlist que tu avais préparé à l'avance. Il fallait prendre un Walkman avec des cassettes. Il fallait rembobiner la cassette à la main et avec un crayon. Avec un crayon. Avec un crayon, ouais, c'est ça. Donc niveau matériel, je t'en parle pas. autre chose qui nous manque beaucoup si on retournait 40 ans en arrière, c'est comment on payait, parce que nous on payait pas avec la carte bleue universelle. Il y a beaucoup de pays qui refusaient les cartes bancaires. Il fallait retirer du liquide et gérer le taux de change local. Ouais, galère. Oui, tu peux pas te renseigner à l'avance en disant dans ce truc là c'est moins cher le taux de change. Enfin, c'était un peu. Non, fallait partir avec tes billets déjà changés à l'avance. T'avais peur de te faire voler tout ton argent. Tu savais pas pour combien il fallait prévoir à l'avance. Bah, combien tu pars, combien de temps tu pars. Une galère. Voilà. Ah oui, on pouvait pas faire de selfie, évidemment, pas de story Instagram. Il fallait ramener des diapositives pour les projeter à la maison. J'ai vraiment l'impression que c'était il y a 150 ans. Bah ouais, là j'ai l'impression que tu parles de l'avant-guerre. Les appareils photo jetables aussi en 85, ça existait déjà. Oui, oui, mais bon, tu faisais pas ça sur ton téléphone, t'envoyais pas de photos. Non, ouais, c'est puis tu sais, tu prenais pas 4 photos pour être sûr qu'on ait une qui soit bonne, tu vois. Ouais, bah non. Et puis tu savais pas à l'avance si elles allaient être bonnes ou pas. T'essayais de te concentrer pour prendre une belle photo, tu rentrais chez toi, tu disais ah ok, ça c'est réussi, ça c'est raté. Ah oui, oui, oui. Non, mais je confirme, ma mère m'a acheté des appareils photo comme ça et quand elle allait les imprimer, elle était désespérée. Elle me disait mais putain, Amélie, il y en a que 6 devant. Donc moi, je l'imagine. Il y avait ton doigt devant en plus là. Exactement. Bah oui. Donc voilà, imaginez-vous là, tout de suite demain, essayer d'organiser un voyage avec les moyens d'il y a 40 ans. Oh, ça doit être tellement dur. Ouais, c'était pas la même chose. Hein. Et alors, qu'est-ce qu'on allait visiter comme pays Mais oui, ça, Jamy, dis-nous. Mais dis-nous, Jamy, qu'est-ce qu'on visitait comme pays? Ça a pas beaucoup changé, hein, la mode. Bah, New York, l'Amérique, ok, voilà. Bon, Paris, c'était quand même un peu plus chic. C'était un peu classe d'aller à Paris, le Japon. Bon, ça a pas trop changé. Par contre, si vous visitiez Berlin, et ben Berlin était encore divisé en deux. Ah, bah oui, il y avait deux Berlin. Ouais. C'était pas RFA, pratique. RDA, tout ça. Voilà, donc vous aviez un côté qui était un petit peu plus sympa et culturel que l'autre. Ah, l'Égypte, c'était beaucoup plus à la mode que maintenant. L'Égypte, c'était tourisme de masse, hein, vraiment. C'était the place to be. Et vous aviez le droit de grimper sur les monuments à l'époque aussi. Voilà, ah ouais, ce qui d'accord. Est totalement interdit aujourd'hui. Vous évidemment. Êtes tout petit en bas. Bah voilà. Oui, mais t'es sous la tour Eiffel là pour descendre maintenant. C'est ça. C'est fou. Qu'est-ce qui était à la mode aussi? L'Amérique du Sud, ça c'était bien une mode aussi. Le Machu Picchu commençait tout juste à devenir un site prisé. Ah oui, alors que maintenant il faut réserver 8 ans à l'avance pour avoir une place. Voilà, c'est ça. Clair. C'était encore quelque chose de très sauvage pour aventurier. Bon, c'est encore un peu le cas. Oui, mais moins quand même. Pareil. Les stations de ski aussi, c'était vraiment la grande mode à l'époque. Parce qu'il y avait de la neige en 85. Mais c'était pas genre. Ça commençait dans les. Non, c'était 60 les stations de ski en France. Bah, les années 80, ça commence vraiment. Ouais. Voilà, Courchevel, Chamonix, le Val d'Isère. Ça voilà, devait pas être cher à l'époque, je pense. Ah ouais, tu dirais la météo des neiges quand tu parles comme ça. Ouais, c'est ça. Alors, à la Bresse ce matin, nous avons 4 cm de neige sont ascendus à la Bresse. Voilà, et du coup, voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire pour ce qui se passait il y a 40 ans, comment on voyageait en 40 ans et où on allait. C'était complètement différent. Et je ne voudrais pas y retourner personnellement. Ah, moi non plus, je suis très bien là. Ouais, mais est-ce qu'on n'était pas plus heureux il y a 40 ans? Tu vois, c'est genre, la réflexion. On n'avait pas les smartphones. Ah, ça fait 40 ans. Oh, on n'avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas le cyberharcèlement, tu vois. Non, mais en vrai, sérieusement, tu vois, je me dis. Mais moi, je pense qu'il y avait des avantages, mais c'est surtout au niveau organisation. Oui, je me verrais pas. Niveau organisation, c'est quand même plus simple, tu vois. Tu te rends compte, tu voulais acheter un voyage, fallait que tu ailles à l'agence, fallait que tu te déplaces pour réserver un billet d'avion, fallait que tu ailles à l'aéroport, ça, ouais, ça, que tu appelles la compagnie aérienne. Bonjour, je voudrais un billet d'avion. Vous allez sur Google, madame. Tu vois, c'est vrai. Je pense qu'il y avait quand même du positif, tu vois, en 85. Moi, j'ai l'impression que les gens prenait moins la tête en 85. Enfin, ma mère, elle me raconte des soirées où elle allait en boîte de nuit et elle faisait des choses. Vas-y, développe. Non, mais je veux dire, tu sais, elle faisait la fête. Elle avait une mini jupe et personne venait l'embêter. Enfin, tu vois, j'ai l'impression que maintenant ça. C'est un peu pénible. Moi, j'ai mis une mini jupe là en fond en boîte. Les gens m'ont regardé bizarrement, tu vois. Vraiment, j'ai senti quoi. C'est pas normal. Je me suis jamais épilé en plus, donc j'ai senti que j'avais foutu un peu, voilà, le. Et bah d'ailleurs, en 85, tu t'épilais pas, hein. Enfin, clairement, les femmes. Ça revient un peu là, quand même. Ouais, mais c'était pas pareil qu'en 80. Oui, c'est sûr. Désolé, mais. Oui, c'était pas pareil. Non, mais je comprends, il y avait un côté un peu plus facile de vivre. Ouais, et en même temps, franchement, je pense que c'est pas pour rien que ça évolue. Et tout ce qui a évolué nous permet de vivre plus facilement quand même. Non, mais c'était le petit moment nostalgique. On s'habitue quand même. J'aime bien. Aux belles choses qu'on a, je trouve. On peut choper le sida, le cancer et mourir. Le gars dit n'importe quoi. On a bien évolué aussi. C'est vrai. Et en tout cas, merci beaucoup, Camille, pour ce retour en arrière, ce flashback, comme disent les Anglais. Allez, en parlant de flashback, on va se faire notre deuxième pause musicale, puisqu'on est toujours en 1985. On va écouter le chanteur préféré des Français depuis à peu près 72 000 ans, puisqu'on va écouter Jean-Jacques Goldman et Michael Jones. Je te donne. I can give you a voice bred with rhythm and soul, the heart of a Welsh boy who's lost his home. Put it in harmony, let the words ring, carry your thoughts in the songs we sing. Je te donne mes notes, je te donne mes mots, quand ta voix les emporte à ton propre tempo. Une épaule fragile et solide à la fois, ce que j'imagine et ce que je crois. Je te te donne toutes mes différences, tous ces défauts qui sont autant de chance. On sera jamais les standards des gens bien comme il faut. Je te donne ce que j'ai, ce que je vaux. I can give you the force of my ancestral pride, the will to go on when I'm hurt deep inside. Whatever the feeling, whatever the way, it helps me go on from day to day. Je te donne nos doutes et notre indicible espoir, les questions que les routes ont laissées dans l'histoire. Nos filles sont brûlées, l'on parle un peu fort, et l'humour et l'amour sont nos trésors. Je te donne ce que j'ai, ce que je vaux. Camille qui chante sur Michael Jordan, j'allais dire n'importe quoi, sur Jean-Jacques Goldman, voilà, et Michael Jones, je te donne. La voisinade sur Fadjet, le génie de l'actu. Attendez, vous êtes qui, vous ? Le génie de l'actu pour ceux qui nous découvrent à 9h du matin le dimanche. J'ai cherché des petites actus, alors elles sont pas très actus là parce que c'est une spéciale. Je pose des questions aux chroniqueurs, ils disent n'importe quoi, à un moment je leur donne la réponse et la réponse c'est est juste. Voilà. Trouve, du coup, toutes les insolites d'aujourd'hui ont un rapport, soit c'est arrivé en 1985, soit il y a le chiffre 40 à l'intérieur. Mais si on doit trouver l'année, c'est facile en fait. Bah non, parce que il y a quand même. 1985. Non, c'est pas l'année. Oh, héros, hein. Essayez pas de tricher. Hein. Le premier, c'est un flash radio. Vous savez, les flash info radio. Ouais. Très spécial qui est arrivé le 18 février 1985 à 10h sur Europe 1. Mais il est très particulier, du coup il est resté dans les annales des flash info. C'est un événement important ? Non. La mort de quelqu'un ? Non. Rien c'est, à voir. C'est pas important. Non. Donc c'est vraiment un truc, genre un record du monde qui a été battu. C'est justement parce qu'il n'y avait pas d'importance que ce flash a été spécial. D'accord, il y a quelqu'un qui a fait quelque chose de spécial ? Oui, bah le gars qui a présenté le flash. Il est arrivé. Il s'appelle Gilles Schneider. Comment, il a... déguisé en quoi ? En poulet. En poulet, non. Il a parlé d'une certaine manière. Non. Mais il était déjà. Il est toujours sur la radio en général ou. C'est-à-dire ? Bah, est-ce que c'était inhabituel qu'il soit là ou pas ? Ah non, c'est, il faisait son flash comme tous les jours à 10h, sauf que ce jour-là, ce flash, il est resté, mais unique au monde. Ok. Il a fait un flash très spécial. Il l'a fait en parlant chinois, je sais non. pas. Je... Non, non, justement, il a pas beaucoup parlé. Ah, il a fait un flash où il a rien dit. Exactement. Il a fait un flash où il a rien dit. Le journaliste Gilles Schneider se présente aux côtés de Michel Drucker pour faire son flash. Sa feuille est totalement blanche parce que d'après lui, il ne s'était rien passé et il n'avait rien à dire le jour-là. Et du coup, il a fait quoi? Il a laissé un blanc? Et bah, du coup, il a mis le flash, ils ont mis le jingle, et après, il a rien dit. Puis il a dit, bah, en fait, il n'y avait rien à dire aujourd'hui, donc il n'y a pas de flash. Donc c'est resté de l'éternel, parce qu'un flash info, il n'y a pas d'info. Les auditeurs, ils devaient être là, genre, bah, il cassait le poste, il marche plus. C'est. Et voilà, donc c'est n'importe quoi. Mais ça, si, c'était bien il y a 40 ans où il ne se passait rien. Maintenant, il se passe toujours un truc, tu c'est vois. Clair. C'est vrai. Il se passe presque. C'est ce que je vous dis, la vie est plus compliquée aujourd'hui. Mmh. Hein, ma petite dame, le monde il a changé quand même. Allez, je vous emmène chez Decathlon qui a fait planter son site internet à cause de l'année 1985. Ça s'est passé il y a quelques années. Et en fait, il y a eu une histoire avec l'année 85 et ça a fait planter le site internet de Decathlon. Ils n'ont pas enregistré les ventes en 85? Non, mais c'est en rapport avec quelque chose vendu en 85. Ah, ils ont vendu trop de t-shirts. Non, trop de tentes. Et c'est un truc qui a été mal... Non, ils ont vendu quelque chose de spécial ou... Oui. Ah. En rapport avec l'année 85. D'accord. Un pic à brocher. J'ai dit Décathlon, hein. J'ai pas dit le roi du barbecue. Mais attends, le produit vendu a un rapport avec l'année 85. Oui, oui, exactement, c'est ça. Eh ben c'était quelque chose qui se mange. Non, mais chez Decathlon, c'est une marque de sport. Il y a eu quoi? Il y a une marque de céréales, Decathlon. Il y a un événement sportif en 85. Il y a quoi? Il y a eu un événement. Non, c'est pas un événement, c'est un truc qui se porte. Un truc qui se porte, une casquette. Non. Tes chaussures. Non. Un slip. Des vêtements vintage. Ouais, un peu vintage. Je pense qu'à l'époque c'était particulier. Ça existe encore en 2025, mais. Un pantalon. Ouais, un jogging. Ouais, je vais vous le dire. En fait, ils ont ressorti un jogging de la collection 1985 suite à un internaute qui a dit si vous faites 10 000 retweets, on ressort la collection. Ils ont ressorti la collection du jogging de 85. Ça a tellement marché que le site a planté et qu'ils ont fait une rupture de stock dans les heures qui ont suivi. Ah ouais, pour un jogging vintage de 1985. Ah, parce qu'il y a eu trop de ventes, c'est ça le bug en fait. C'est ça, exactement. C'est il y a eu trop de ventes pour un vieux jogging. Allez, cette fois, je vous parle de quelque chose qui a été vendu 114 000 $. Et c'est un objet qui date justement de l'année de 1985. Et il a été vendu justement pour ça à 114 000 $. Donc c'était aux États-Unis. C'était aux États-Unis, effectivement. Waouh, quelle Est-ce perspicacité. Que c'est en rapport avec une célébrité? Non. C'est un truc que tu pouvais acheter en 86, 87, que tu pouvais même trouver sur les marchés d'occasion. Mais celui-là, c'est l'exemplaire de 1985. C'est un vinyle, un truc comme ça. Non, c'est pas un vinyle. Un poste radio. Mais on se rapproche du vinyle, je veux dire. Un Walkman. Non. Une cassette. Ouais, un truc particulier. C'est dans ces formats-là que ça se vend, en tout cas. Un CD-ROM VHS. Non, c'est pas un film. C'est pas une musique. C'est pas un film, c'est pas une musique, c'est une série. Que tu peux mettre sur une cassette à l'époque. Un clip vidéo. Non. Un dessin animé. Non, mais on se rapproche de l'univers en tout cas. Ah, comédie musicale. D'animation. Non, c'est pas un dessin animé, c'est pas un film, c'est pas de la musique. C'est autre chose qu'on peut mettre sur une cassette en 85. Un porn X. Non, pas du tout. Non. Non, non. Je me suis auto-censuré les mots, mais vraiment sur un X. Maintenant, ça se fait sur des CD, hein, mais à l'époque, ça se mettait sur des cassettes. On en a tous à la maison. Ça se met aussi sous forme de cartouche. Attends. Vous en avez dans votre salon? Vous deux? Quoi? Près de votre télé? Des bougies? Non, dans une bougie sur une cartouche, tu te fous de notre gueule? Bah oui! Allez, je mets une petite cartouche dans le lecteur et vous avez allumé une bougie! De quoi tu parles là? Une USB, je comprends pas. Sous ta télé, t'as un meuble télé. Dans, oui, dans ton meuble télé, t'as quoi? Une télécommande. Non! Une box. Autre chose des que la box. Attends, qui se branche à la télé? Je sais plus du tout. Mais vous vivez dans quel monde, messieurs dames? Un décodeur. Non. Bah si. On peut jouer avec une console de jeux vidéo. Ah, oui. Donc ils ont vendu un jeu vidéo qui se met sur une cassette. Ah bah oui, la Sega Card qui date de 85. Bah là c'était le jeu Mario Bros. En fait, ils ont vendu un des premiers exemplaires du jeu Super Mario Bros. Qui a été vendu 114 000 $ parce qu'il était tout neuf et encore emballé dans son emballage de 1985. En vrai, du coup, on est 114 000 $. Nul, hein, quand même. Bah parce oui, parce que y avait tous les gens du studio qui étaient à la fenêtre. Une console. Ouais, mais une console. Je pense que c'est ça qui m'a perturbé. En plus, j'ai une cartouche parce que je sais que vous avez une Switch toutes les deux. Ok. Oui, c'est vrai. Voilà. C'est vrai. Allez, je vous emmène aux États-Unis où quelqu'un a acheté quelque chose encore qui date de 1985. Il l'a acheté 4 $, sauf que ça en vaut 30 000. Ah, c'est l'inverse là. Ouais, une là, voiture. C'est... Non, vraiment, c'est le modèle de 85. Ça en vaut combien, t'as dit? 30 000. 30 000 et parce que le modèle, ouais, bah oui, parce qu'en fait, le gars, c'est un vieux truc qui traîne, je le vends 4 $ comme sur une brocante, tu vois. Ok, donc c'est quelque chose qu'on n'utilise plus maintenant alors. Si, tu peux. Ah, un magnétoscope. Non. Bah, tu peux l'utiliser hein, dans ta vie de tous les jours. En 2025, tu l'utilises dans ta vie de tous les jours. Donc c'est pas une voiture. Mais c'est un modèle. C'est pas un véhicule. Non, c'est pas un véhicule. C'est plus petit. Un télé. Bah non, si. Il aurait pas acheté 4 $ un véhicule. Un quoi? Une radio? Non, un téléphone, non. Non, c'est pas électronique. Ah. Ça se mange pas du coup, non. Sinon ce serait bizarre. Oui, ça serait très bizarre. C'est du papier, c'est un dessin. Non, c'est pas un dessin. C'est vraiment dans ta vie tous les jours, tu l'utilises, mais tous les jours. Des vêtements? Ouais. On se rapproche, là on est donc très très proche. C'est un pantalon, non. Un t-shirt, une chemise, un bonnet, un chapeau. Non, descends. Un slip. Bah évidemment, je suis con aussi. Non, bah presque. Des chaussures. Bah oui, des chaussures. Des chaussettes. Qu'est-ce qui est proche des chaussettes? Bonne question, monsieur. Effectivement, il a acheté une paire de Jordan 1 Chicago de 1985. Okay. Et en fait, c'est un modèle hyper prisé. Sauf que la personne qui l'a vendu était pas au courant. Et en fait, elle le vendait comme ça en brocante. Et c'est ça. Et en fait, sur le site StockX, ça vaut 30 000 $. Voilà. Donc, une belle affaire. Allez, cette fois, je vais vous emmener sur le chiffre 40 et non pas sur l'année 1985. Puisque je vais vous parler de l'homme qui s'appelle Luciano D'Adamo, qui a 63 ans. Uh-huh. Et il y a un truc qui est en rapport avec 40 ans chez lui, mais quoi? C'est pas son âge. C'est pas son âge maintenant, parce qu'il c'est a 63 pas son ans. Âge. Du coup. Ça fait 40 ans qu'il ne se lave pas. Non, mais ça fait 40. Y a... Ça fait 40 ans qu'il 40 fait quelque ans chose. Qu'il est non, pas ça sorti fait de pas. Chez lui. Non, en tout cas. 40 ans qu'il n'est pas sorti de chez lui. Non, c'est Charles. Celle-là, elle est très compliquée, donc je vais donner un indice. Dans sa tête, il y a une histoire de 40 ans, en tout cas. Ah, il avait fait un coma? Exactement. Oh. Et il s'est réveillé... Ah, il a fait un coma, il s'est réveillé 40 ans plus tard? Non, en fait, en tout cas, il se souvient pas des 40 dernières années. Oh, donc il a fait un coma, j'ai pas la durée exacte du coma. En fait, il a eu un accident de voiture. Oh. Et quand ils l'ont réveillé, il se souvenait pas des 40 dernières années de sa vie. Il énorme. Reconnaissait pas le visage de sa femme, son fils de 35 ans. Non, mais c'est trop il avait même oublié le nom de sa mère. Voilà. Donc, voilà, ça veut dire qu'ils sont remontés ans. Dans ses souvenirs et le dernier truc qui se rappelait... Ça date d'il y a plus de 40 ans. Oh là là. C'est ça. Bah là, voilà, donc ils ont fait le fils 35. C'est tellement horrible. Ouais, comme donc, situation. À l'heure actuelle, en tout cas, sur l'article, ils disaient qu'ils n'avaient toujours pas de souvenir qu'il ait retrouvé la mémoire après son coma. C'est un truc de fou, j'arrive pas à comprendre comment le cerveau peut dire j'ai oublié 40 ans de. Mais parce qu'il a pas tout oublié non plus, donc c'est encore plus bizarre. Oui, c'est ça, il a quand même, des souvenirs, mais pas les 40 dernières années. C'est un truc de fou. Il connaît pas Internet, voilà. Il connaît pas les trucs dont Camille a parlé tout à l'heure. Il s'est réveillé, il a dit je vais aller à Singapour, je vais acheter le routard. Voilà. Allez, je vous emmène en Garonne où des 40 kayakistes ont quoi? Je sais pas, ce mot me fait rire. 40 kayakistes ont été bloqués. Mais à cause de quoi? À cause. Le chiffre 40, vous l'avez déjà, c'est le nombre de kayakistes. Hein, donc là, ça n'a plus aucun rapport. D'accord. Il y avait un bouchon sur le fleuve. Non, ils étaient bloqués à cause de quelque chose sur le fleuve. La météo? Non. Des animaux? Non. Un rocher? Non. Des touristes? Non, c'était pas humain. C'était vraiment. Je pense que c'est le genre de choses qui arrivent pas très très souvent. Mais c'était pas mais les animaux, c'était pas la météo. Non, c'était pas la météo, c'était pas les animaux. Et ils se sont dit que c'était quand même hyper dangereux, donc il fallait arrêter et arrêter la sortie. Non, il y avait encore de l'eau. Il y avait quelque chose qui barrait la route. C'est un truc naturel, oui. Donc c'est là, par exemple. C'est pas naturel. Un arbre qui est tombé. C'est quelque chose qui est tombé, mais c'est pas naturel. Ah, une montgolfière. Un camion. Un parachute. Non. Un poteau électrique. Exactement, un poteau électrique. Oh. Une ligne à haute tension de 25 000 volts qui est tombée sur la Garonne. C'est hyper dangereux. T'imagines, du coup ils ont freiné là avec ouais. leur. Au dernier moment, ils ont dû faire demi-tour. C'est conductible. Ouais, donc après, je sais pas, peut-être qu'il y a une distance, mais ils l'ont vu en avance. Ouais. Du coup, ils ont dû s'arrêter. Les pompiers sont intervenus. M'étonnes. Et la promenade s'est finie en bus. Voilà, donc beaucoup moins marrant. Ouais, mais c'est mieux, tu vois, c'est mieux que de mourir électrocuté dans la Garonne. Enfin, je veux dire, c'est. Ah bah oui, c'est sûr que c'est mieux. Oui, mourir électrocuté, c'est pas foufou quoi. Dans la Garonne quoi. Voilà, c'est pas terrible. Allez, je vous emmène en Allemagne où il y a une pizza voilà, qui cartonne, c'est la pizza numéro 40. Elle fait 40 mètres. Ah non. Bah, en tout cas, elle s'appelle numéro 40, mais elle a une particularité et elle cartonne. Est-ce que c'est une particularité en rapport avec 40? Non. C'est juste le numéro, le gars il s'est dit numéro 40, ça passe. À moins qu'il y ait une référence en allemand que j'ai pas, mais je pense pas que ça soit ça. Elle a un goût bizarre? On peut dire qu'elle a. Je pense qu'elle a un goût bizarre. Pourquoi tu penses? Bah, j'ai jamais mangé cette pizza numéro 40. Sucré salé ou juste salé? Je dirais salé. Ah, donc ils ont mis des trucs. Mais comment ça, je dirais? C'est des cacahuètes? Non, c'est pas des cacahuètes. T'as dit Allemagne, il y a que du saucisson dessus. Non, c'est pas ça. Ça part à part. Que de la choucroute? Non, on pourrait faire la même en France, en Espagne, je Et pense pourquoi que c'est pareil. C'est bizarre, c'est pas des aliments normaux d'une non, pizza. Non, parce qu'en fait. Elle était beaucoup commandée, mais ils faisaient le service de livraison à domicile et clairement il y avait plus de commandes de la numéro 40 que les autres. D'accord. Ouais, je sais, c'est très bizarre. Mais donc c'est à cause de ces ingrédients. Oui, ah bah clairement, oui, ah, les gens l'ont commandé pour l'ingrédient. Il faut qu'on trouve les ingrédients. Ah, voilà. C'était un truc de luxe ou pas? Allez, je vais vous donner un indice. En fait, il y a eu un contrôle sanitaire de routine et c'est comme ça qu'ils se sont rendus compte qu'elle était beaucoup vendue et du coup ils ont alerté la police. Ah oui, donc c'était un ingrédient oui, pas c'est... bien. Non, non, c'était pas de la mozzarella. Moi je te disais c'est un truc de luxe, genre du foie gras. Non, pas du tout. On est sur un truc du vraiment chien. Oui. Non, pas du chien. Des rats. Non, la police, la police. Et ben ils ont mis des policiers sur la pizza. Non, non. Non, pas du tout. Une pizza policière. Il y avait la pizza avec un petit ingrédient en plus dessus. Ah, je et sais. Tu l'as. De l'herbe. Ouais, de la cocaïne sur la donne. Et oui, effectivement, la pizza numéro 40, c'était supplément cocaïne, voilà. Et en fait, quand tu regardais les statistiques, elle était 10 fois plus commandée que les autres, parce qu'en fait, c'était une pizzeria qui faisait aussi. Pizza cocaïne. Voilà, livreur de drogue. C'était marqué sur la carte ? Non, mais les gens le savaient. À force, tu sais. Okay. Ouais, cette pizzeria-là, tu prends la numéro 40, et il y avait un sachet de cocaïne en dessous de la pizza. Cocaïne, quand même. Mais elle devait coûter hyper cher, du coup. Je ne sais pas, j'ai pas le tarif. En tout cas, ils ont perquisitionné le domicile du gars, ils ont retrouvé 1,6 kg de cocaïne, 400 grammes de cannabis, 268 000 euros en espèces. Alors il a été libéré de détention dans un premier temps faute de casier judiciaire et évidemment il a vite repris sa double activité de pizzaiolo dealer et donc du coup, grâce à lui, ils ont démantelé le réseau de cocaïne. Voilà, allez, je vais vous faire une dernière, je pense que ça va être la dernière actu. C'est un mariage qui est arrivé avec 40 invités, mais le mariage était un peu particulier. 40 invités, c'est pas beaucoup. Non, c'est un petit mariage, 40 invités, mais c'est un mariage particulier avec 40 invités. C'est le thème qui était particulier. C'est le thème qui était particulier. Ok. C'était le thème classe en Charente-Maritime. Non, kayak sur la Garonne. Ah, ça se passe en Grèce. Ok. C'était en 2017. Ça a un rapport avec la Grèce ou... C'était le mariage de Nikos, les loups, bienvenue à mon mariage. Nous sommes 40, vous voulez que je l'épouse? Tapez 1, je l'épouse pas, tapez 2. En direct du château avec le prêtre Nicolas Papadakis. Qu'est-ce qu'il raconte? Ouais, j'ai oublié. Et on est nuls à ce jeu ce matin. On arrive Non, ça va. On a trouvé des trucs. C'était un mariage dans l'eau. Non. C'était le thème de la déco ou c'était le. Pas le thème de la déco, c'était plutôt le thème du costume. Ah, le thème du costume. Ah, il y avait une couleur particulière. Non. J'allais dire en bleu, mais non, non. Du coup. Non. Une couleur, non. En bleu, non. En rouge, non. Bah, pas de couleur, en fait. Bonne question. Honnêtement, je pensais que Mélie le trouverait plus tôt. Ah, c'est un truc médiéval. Exactement, c'est une bonne réponse. Mais oui, je me suis dit, si je dis Mélie, c'est pas qu'il a le trouvé. Effectivement, il devait venir tout nu. Voilà. C'était des personnes qui faisaient partie du British Naturism. Et du coup, ils adoraient se mettre nus. Donc, quand il était question de se marier, évidemment, ils ont dit, on va se mettre tout nu. Voilà, elle est prise soudaine d'une honte. Alors, je rappelle quand même, il a fait la demande en mariage devant 400 personnes naturistes. Et du coup, ils se sont dit, on va faire le mariage naturiste. Donc, ils ont invité 40 invités qui étaient tout nu. Voilà, une belle soirée sur les plages grecques. Voilà. Nous avons donc perdu Mélie. Je savais, je me suis dit, mais je vais dire Mélie. Elle va répondre nu. Alors, je me suis dit, soit elle répond nu, soit elle répond en slip. Mais du coup, elle a répondu la bonne question du premier coup. Tu vois, là, je me remets en question quand même. Tu te dis, quand même, il y a un problème. Est-ce que mon cerveau fonctionne normalement? Je ne pense pas. On est au car en train de Padgett et je suis en train de parler, c'est ça, direct. C'est ça. Et bien, en tout cas, voilà, c'était le génie de l'actu spécial 1985 et 40, puisque vous le savez, nous sommes sur la 38e heure du marathon de Padgett. On est là, nous, jusqu'à 10h et Padgett jusqu'à midi. On va faire la dernière pause musicale, on va rester dans l'année 85 puisqu'on va écouter Ray Parker Jr. avec Ghostbuster. afraid of no ghosts. Who you gonna call? Ghostbusters! If you're all alone, pick up the phone and call. To guess. I ain't afraid of no ghosts. Who you gonna call? Ghostbusters. If you have a dose of a freaky ghost, baby, you better call C'était Ray Parker Jr. Ghostbuster, bienvenue dans l'année 1985. La voisinade sur Fadjet, les indébattables. Et oui, on s'est dit qu'on allait finir l'émission par une rétrospective, puisqu'on est sur un anniversaire, et en général, aux anniversaires, on dit « Ah, tu te souviens quand t'avais 33 ans, on avait fait ci, on avait fait ça ?» Et bah du coup, on va faire la même chose, puisqu'on va faire une rétrospective de la voisinade, voilà, hashtag modestie. J'ai décidé qu'on parle un peu des meilleurs moments qu'on a vécu sur cette belle émission de radio. Sur cette belle antenne radio d'ailleurs, ça fait la quatrième saison, donc on va commencer avec Camille. Ouais, je pense qu'on va avoir pas mal de moments en commun. Oui, je pense aussi. Moi j'ai fait ma petite liste, mais je pense que ça sera les 5 mêmes à peu de choses près. Ouais, bah non, parce que déjà moi au tout début, la toute première fois, bah voilà, c'était notre émission, on venait de la créer, on était 4. C'était un peu, voilà, on voulait en faire plus, en plus au début on le faisait qu'une fois par mois. Et voilà, c'était vraiment déjà la découverte et tout, donc je pense que ça c'était une période déjà hyper excitante de se dire chacun a son petit thème et tout. Ouais, c'est cool. Ça c'était hyper chouette. Après, on a eu plein d'invités. Moi, je pense que ça a été aussi trop cool de recevoir du monde sur la voisinade. Mmh. On a quand même eu une chronique sur les machines à laver. Moi, ça m'a marqué. Ouais, c'est dans mon top 5. Ouais, c'est dans mon top 5 aussi. Une chronique sur les toilettes aussi, sur une marque de toilettes. Oui. Donc, ça, c'est des petites choses où les gens ont vraiment redoublé d'inventivité. J'ai adoré. Alors, je tiens un petit détail, parce que du coup, j'ai réécouté la chronique sur les machines à laver. Et quand même, notre invité James qui nous dit j'ai fait une chronique sur les machines à laver dont il n'avait pas cherché la date d'invention, quand même. Tu fais une chronique sur les machines à laver là-dedans, je ne sais pas. Parce qu'il y avait tellement d'autres choses à dire. Bah, il a aussi créé une musique spéciale pour la voisinade pour l'été. Oui, c'est vrai. Voilà, c'est vrai. Il s'est passé plein de choses. Après, ce qui nous marque le plus, mais encore une fois, je vais vous les voler vos idées, c'est des fous rires qu'on a eu en direct. Elle nous vole toutes nos idées. Hein. C'est-à-dire que c'est des choses qui n'étaient pas du tout prévues et d'un coup, on est parti en fou rire. Il n'y avait plus personne à l'antenne qui était capable de reprendre le relais. Donc ça, mine de rien, c'est des super bons moments. Et puis voilà, on a aussi reçu Fabrice et Briac. Quand même de Pékin Express. D'accord, elle m'a vraiment piqué tout ce que je voulais dire, Camille. Tu rediras, mais avec d'autres mots. D'accord. Voilà, tu feras anti-plagiat. Si tu veux, je m'arrête là et je te laisse développer pourquoi tu as aimé ces moments. Zut. Vas-y, on peut développer. Mais non, mais tu veux pas développer, Camille. C'était quand même assez exceptionnel. Hein. C'était trop bien, on les a reçus au studio. J'ai jamais vu une émission, mais autant bordélique. C'était n'importe quoi. On était 40 000 dans le studio. Déjà, on était 3 chroniqueurs à l'époque. Donc, plus moi, plus Fabrice Ibriac, plus la meuf de Briac, plus le chien de Fabrice, le petit chien. Plus la directrice de Fadjet, plus machin. Il y avait une stagiaire à côté de moi. Mais c'était un truc de fou. J'étais en émission, j'avais l'impression d'être sur Énergie France, quoi. Il y a avait 40 personnes, c'est ça faisait des lives Insta et tout, c'était exceptionnel, ouais, c'était drôle. Ils avec leur petit camion, c'était, oui. Ouais, c'était vraiment chouette. Ils ont apporté un siège dédicacé qui est encore dans oui, le studio là-haut. Voilà, la dédicace, bon, la dédicace a disparu parce que le siège n'était pas fait pour qu'on écrive dessus, mais voilà, ils ont apporté un siège quoi. C'est tu vas dans genre tu on t'invite chez quelqu'un, tu dis bah j'ai ramené un fauteuil, tu vois, bah, personne fait ça, tu vois, tu as même pas de truc. Donc non c'était hyper cool, on a vraiment fait des super émissions et puis ouais, je pense que le pour moi les moments les plus marrants c'est ceux où on a bien rigolé, ouais. On a fait des bonnes émissions, voilà, j'espère que les auditeurs ont toujours pu nous suivre parce que des fois on est vraiment partis dans des gros fous rires, mais je pense qu'on a transmis la bonne humeur et c'est ça qui est important. C'est vrai. Eh ben parfait. Tu en avais peut-être, Mélie, avant qu'on pique tes idées. Ouais, bah merci, ça suffit. Non, mais moi, j'ai vraiment les moments que j'adore aussi, c'est nos fous rires. Et on a eu un fou rire comme ça la saison précédente où, enfin, Camille était en pleurs. Ah oui, je pleure. Et moi, mais j'étais incapable de reprendre et de parler. En fait. Dès que je parlais, je rigolais. Moi, je m'étais dit, en plus, je me rappelle m'être dit le jour-là. Allez, vas-y, faut qu'on fasse quelque chose. Oui. On peut pas laisser ça comme ça. C'est parce que ça. Vraiment, j'avais la responsabilité qui reprenait oui. Et je me mets devant le micro. Il y a les auditeurs. Et je peux pas, genre je vraiment. Pas. Je me mets dans tu le micro et je me dis, non, je peux pas. C'est et ça. Je me dis, non, mais les pauvres, il y a des gens qui écoutent Fadjet, on ne peut pas laisser ça en direct, c'est pas possible. Et ben non, on n'y arrivait pas. C'était vraiment. C'était le coup du casque. Oui, je parce oui, que du coup, ah, j'ai fait une petite liste des fous rires et j'ai mis justement le coup du casque. Alors, pour expliquer à vous, auditeurs qui nous écoutez, bah ça y est. En fait, on était en pause musicale et au moment de reprendre, je sais pas ce que je fou, je fais tomber mon casque qui tombe par terre et qui s'ouvre en deux. J'ai perdu les oreillettes du casque. Du coup, on reprend l'antenne. Je n'ai pas de son, je n'ai rien, je n'ai pas de casque. C'est le bordel. Et du coup, bah, je cherche mon casque pendant qu'elle, elle parle et qu'elle rigole. Donc, du coup, je suis super lent, genre ouais, j'ai trouvé mon casque. Et tu mais retrouves des morceaux de casque. Et j'en retrouve des parce qu'il a volé, mais dans tout le studio, le mec. Voilà, ça y est, on est reparti. Je l'ai noté, le coup du casque. Vraiment, casque. Voilà. Mais, ouais, mais alors qu'en fait, c'est pas hyper incroyable, tu non, vois. Non, c'est hyper incroyable. Mais ça arrive au pire moment, c'est surtout. Bah ça. Oui, parce que c'est le moment de reprendre l'antenne, donc j'ai fait, j'ai plus de casque, allez, merde, ouf. C'est ça le direct, c'est ça pour ça qu'on fait du direct. C'est pour avoir des moments comme ça qui sont drôles et on contrôle pas. Donc voilà, j'avais noté le coup du casque, moi ça m'a fait rire. Le coup du casque était quand même ouais, très très drôle et il y a d'autres fous rires comme ça. Et d'ailleurs, c'est très rigolo, j'ai eu Sylvie qui m'a envoyé un message, vous vous souvenez de Sylvie ? Oui, qui a fait une chronique sur les jeux vidéo. Exactement, et elle m'a envoyé un message la semaine dernière pour me dire ah, j'ai écouté votre dernière chronique et Mélie, ton rire me manquait. Donc je me suis dit, la prochaine fois, je ferai une chronique où juste je rigole. Et non, on ferait pas ça en vrai, moi ça me fait rire d'entendre les gens rigoler. Oui. Donc vous non, faites oui. Une chronique. Où on ne fait que rire, ah, moi ça me va. Ça va être très long, hein, quand même, une heure d'émission comme ça. Alors, peut-être pas une heure, on va mettre des petites blagues. Ah, oh, Fredjet nous dit qu'on est viré. C'est ça. J'avais aussi noté le coup du Kinder. Ah, mais oui. Oh là là. Coup du Kinder. Mais là, il n'y a même pas de blague en fait. C'est juste, on est c'est juste parti en fou rire parce que ah, t'as bah, dit Kinder. Ah, bah non, là, il n'y avait c'est aucun vrai. Sens. Ça, vraiment, c'était moi, n'importe quoi. Moi, j'ai bien aimé aussi le moment où Jérémy il est venu avec des carambars. Ah, j'ai oui. Trouvé que ce moment, il était trop alors, bien. C'était un peu une émission bordel parce que tout le monde parle en disant ouais, donc en fait, ma chronique, c'était 40 kilos de sucre par. On a quand même saccagé Fadjet avec notre émission, faut le dire. Hein. Ouais. On mangeait, on a fait des fous rires, on a cassé. On a juste mangé une fois le carambar. Non, mais oui, mais. Et je veux dire, on a contre les fous rires, les chroniques sur les machines à laver. Enfin voilà, on a vraiment. C'est vrai, c'est vrai. On a cité des marques. On n'avait pas de filtre. Par milliers. Qu'on ne citera plus. Évidemment, je cite Ikea, Conforama et Castorama. Oula, ça n'a rien à voir avec les carambars, tout ça. Non, je voulais sortir une marque et c'est Ikea qui est venu. Après, on peut sortir Haribo. Ah oui, on a dit carambars en fait, donc il faut dire Haribo. Et Lutti. Voilà. Moi, j'ai bien aimé aussi quand Freux était venu. Je l'ai mis dans mon top 5. Et qu'il nous avait ramené des cadeaux. Oui. Je l'ai mis dans mon top 5 parce que c'est lui qui a inventé les secondes dont l'invité, les 20 secondes. Le premier invité qui dit je peux parler encore 20 secondes et qui parle encore 3 minutes. Donc maintenant, quand un invité veut 20 secondes, il demande les 20 secondes de Freud et il a 3 minutes. Voilà, c'est resté dans les. C'est vrai que c'était un superbe moment. Et moi, j'ai bien aimé. Enfin, j'aimais bien aussi quand il y avait Charles avant avec nous, hein, qui nous a quittés. Qui nous a quittés. Rest in peace. Je veux dire, moi j'aimais bien ces petites chroniques d'histoire et sa petite attitude de ouais, c'est pas foufou. C'est ça. J'ai noté un truc aussi pendant l'émission avec Fabrice et Briac. Mélie a été renommée plusieurs fois parce qu'elle a été appelée Stéphanie, Chantal et Caroline. Parce que Mélie ne se souvenait plus du nom de Fabrice, elle l'avait appelée Patrice. Du coup, lui il l'a appelée Stéphanie, Chantal et Caroline. Voilà. et ils ont pas arrêté que ça pendant une demi-heure. T'as pas eu, c'est quoi ton vrai nom? Non, voilà. Mais c'est pas grave, j'aime bien. Du coup, j'ai fait un peu. Alors, c'est pas un top, c'est des phrases comme ça qui ont été sorties dans la voisinade un peu au hasard. Donc, alors, du coup, les premières sont de cette émission avec Fabrice et Briac, où Briac dit il y en a un qui fait les Iron Man et d'autres qui les regardent à la télé en parlant de lui. On parle de la plus grande galette des rois de Strasbourg et on demande ce qu'ils ont mis à l'intérieur et Fabrice nous répond ils ont mis un humain à l'intérieur, le maire de Strasbourg qui a perdu un orteil. Voilà. Alors là, Mélie qui nous sort une phrase, même bon, c'est méliesque. Je n'aime pas trop les festivals où il faut rester longtemps debout. Alors, c'est un peu le principe du festival, Mélie. Hein. Il n'y a pas de truc où ça marche comme ça. Camille qui nous fait une super blague. Alors, Mélie commence sa chronique avec comme il fait chaud, je vais vous parler de l'Égypte ancienne. Et Camille, évidemment, car en Égypte nouvelle, il fait pas chaud. Voilà. Oh là là, Camille, ah ouais, là, là. Attends, j'allais dire à quelle blague j'ai bien pu dire parce que quand tu me dis ça, je suis là, j'ai rien qui me vient vraiment. Voilà. Je... Bah, attends, mais j'ai dit quoi aux dernières nouvelles? T'as dit, en Égypte nouvelle, il fait pas chaud parce qu'en Égypte ancienne, il fait chaud. Voilà. Oh la vache! Ah ouais, là, on est sur de la Vanos. Ouais. Après, on a aussi Milly qui fait dans sa chronique le dieu Atum qui a donné naissance à d'autres dieux. Et je lui réponds Atum qui s'est transformé ensuite en l'un des sept nains. Ah oui. Ouais, bah, franchement, ouais. C'est pas voilà. Mieux que moi. Hein. Oui, non, c'est pas mieux. Et j'en ai une dernière. À la question de Camille, que signifie Sri Lanka? James fait tout de suite vive le vent! Voilà, je sais pas, ça n'a aucun rapport. Le gars a répondu vive le vent, du coup ça m'a fait marrer. Donc c'était mon top des phrases les plus marrantes qui se sont passées dans cette chronique. Malheureusement, t'as pas pu réécouter toutes les voisinettes. Non, ça m'aurait pris, je crois qu'il y a une bonne soixantaine d'émissions. Donc voilà, est-ce qu'on fait un petit jeu de fin, plus vieux ou plus jeune que Fadjet? Ouais, allez, vas-y. Le premier Macintosh d'Apple. Plus vieux. Non, plus récent. Donc moins vieux du coup. Non, effectivement, 1984, donc c'est plus vieux d'un an. Ah, j'ai dit plus vieux, mais je pensais que c'était beaucoup plus vieux. Le film Les Bronzés font du ski. Plus vieux. Plus vieux. Exactement, 1979. La PlayStation 1. Moins vieux. Moins vieux. Moins vieux. Allez, je vais en faire un dernier. La tour Montparnasse à Paris. Moins vieux. Plus vieux. 1973, donc plus vieux, voilà, donc plus vieux comme le temps nancéen. C'était, voilà, j'avais envie de finir par les petites questions sur les 40 ans de Fadjet. Et oui, c'est la fin de l'émission, il est 9h57, début il est 18h57, Mélie nous dit qu'elle a faim, mais est-ce que t'as faim aujourd'hui? Alors oui, parce que j'ai pas beaucoup déjeuné ce matin, voilà. Quelle que soit l'heure, Mélie va passer à la boulangerie. Merci à tous de nous avoir écoutés, il reste encore 2 heures de marathon Fadjet, donc il faut vraiment rester jusqu'au bout. Quant à nous, on se retrouve au mois de mars, parce que la prochaine fois c'est les vacances, et du coup, on a décidé de prendre des vacances avant de faire un burn-out et de brûler la voiture de Mélie. Sur ce, je vous souhaite à tous un bon dimanche, faites-vous un bon repas de famille, et on se retrouve bientôt. Ciao, ciao. Salut.